Aïe. Elle vit dans la souffrance et ne peut pas s'imaginer sans lui. Son espérance de vie se réduit. La leucémie la ronge, le temps passé, son cœur s'affaiblit. Elle n'arrive pas à lui dire. Il lui donne tout son amour chaque jour que Dieu fait aveugler. Il ne voit pas les signes de l'amour s'approcher. Envisage le mariage, lui promet de l'aimer toute sa vie. Un jour d'été comme les autres, à l'aube à la pote. On sonne et reçoit un courrier recommandé de la poste avisée. Urgent, elle se pose pour la lire ou la cause. Une prise de sang anodine, normalement sans conséquence. Elle se fiche, paralysée par la nouvelle. Elle réalise que ses jours sont comptés. Accablée, elle reste là et voit son monde s'effondrer. Elle vit dans la souffrance et ne peut pas s'imaginer sans lui. Son espérance de vie se réduit. La leucémie la ronge, le temps passé, son cœur s'affaiblit. Elle n'arrive pas à lui dire. Il lui donne tout son amour chaque jour que Dieu fait aveugler. Il ne voit pas les signes de l'amour s'approcher. Envisage le mariage, lui promet de l'aimer toute sa vie. Il lui crie son amour, lui confectionne des projets pour l'avenir. Il ne voit pas sa vie sans elle, il y a que elle qui lui donne des ailes. Pour lui c'est la plus belle des merveilles. Il lui donne un amour incommensurable sans savoir que sa mort est inéluctable. Il court à sa perte qui me semble inévitable. Une descente aux enfers imparable. Elle vit dans la souffrance et ne peut pas s'imaginer sans lui. Son espérance de vie se réduit. La leucémie la ronge, le temps passé, son cœur s'affaiblit. Elle n'arrive pas à lui dire. Il lui donne tout son amour chaque jour que Dieu fait aveugler. Il ne voit pas les signes de l'amour s'approcher. Envisage le mariage, lui promet de l'aimer toute sa vie. Le 23 mars 2008, il reçoit un coup de fil des urgences de Neuilly qui lui dit: votre femme est décédée à la suite d'une leucémie. Il sait que ça peut pas être Elodie. Je n'ai pas vu les symptômes de la maladie ni le traitement qu'elle a pris. Pourquoi elle me l'a pas dit? S'en voudra toute sa vie, le pauvre. Il pense au suicide et s'enivre. Il vit dans la souffrance et ne veut pas s'imaginer sans elle. Il veut juste la rejoindre dans le ciel. L'alcoolémie le ronge, le temps passé, son corps s'affaiblit. Il veut juste être avec elle. Il pense au suicide, la solution la plus facile. Il sollicite sa femme, pas des prières qui ressuscitent. Les jours passés, passés, passent. Il ne voit pas la réussite, donc il décide d'en finir avec sa vie. L'ironie du sort, le suicide n'est pas permis par la Bible et ne conduit pas au paradis. Il se retrouve en enfer, rien à faire ou pas de machine arrière, ça sert à rien les prières ou. Il s'en voudra toute sa vie. Il s'en voudra toute sa vie. Il s'en voudra toute sa vie. Il veut juste être avec elle. Il vit dans la souffrance et ne peut pas s'imaginer sans elle. Il veut juste la rejoindre dans le ciel. Les remords, le rouge, le temps passé, son cœur s'affaiblit. Il veut juste être avec elle. Il ne peut pas s'imaginer sans elle. Il veut juste la rejoindre dans le ciel. Les remords le rongent, le temps passé, son cœur s'affaiblit. Il veut juste être avec elle. Il vit dans la souffrance, il ne peut pas s'imaginer sans elle.